22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Hello, hello. Aujourd'hui, je vous partage les mots de l'artiste belge Élise Guillaume qui nous parle de son film expérimental Hybrid Terrains, terrain hybride. Il vous faut imaginer un court-métrage en noir et blanc où l'on plonge dans une serre humide, où les formes végétales rencontrent des formes humaines, où la bande-son a été réalisée à partir d'enregistrements de l'activité électromagnétique des plantes qui occupent la serre. Je vois ces plantes comme ça énormes dans cette énorme serre botanique qui ont presque envie de pousser au-delà du plafond, mais qui n'y arrivent pas, qui sont vraiment contre ces vitres et qui sont dans un environnement super humide. Et là, je les regarde et je me dis, mais est-ce qu'elles ont envie de dire quelque chose ? Donc je suis là, je suis avec mon enregistreur, j'ai une tige plantée dans la terre, des plantes, et l'autre, le petit clip tout délicat sur une des feuilles que je pose évidemment le plus doucement possible. Et puis là, je suis en train d'écouter et il n'y a rien. Donc je me fais OK, j'attends un petit peu. Et puis je décide soudainement de voir ce qui se passe si je touche une des feuilles de la plante, je la touche tout délicatement, et là, en un coup, elle se met à hurler, mais tellement fort que j'ai dû enlever mes écouteurs, parce que c'était juste beaucoup, beaucoup trop fort. Et puis, dès que j'ai relâché la feuille, elle émettait plus de son du tout. Il y a vraiment toute une variation de sons et d'intensité qui sont émis lors de chaque enregistrement. Il y a des endroits où les plantes émettent énormément de sons, enfin énormément de mélodies, où ça part quasiment dans tous les sens, comme si elles étaient en train de papoter, mais non-stop, sans s'arrêter. Et d'autres endroits où il y a vraiment quasiment rien qui se passe. Et puis en un coup, beaucoup de choses. Il faut rentrer dans le rythme aussi de ce monde-là qui n'est pas le même que le nôtre non plus, quoi. Peut-être pour en revenir à Hybrid Terrains, c'est l'individualisme n'existe pas en fait. On ne sait pas survivre comme ça. On est complètement codépendant. Et cette non-compétition en fait est une façon de survivre de façon plus saine en fait et plus durable. Et donc visuellement et audiovisuellement dans Hybrid Terrain, c'est ça que j'explore au travers du film, au travers de la création du film, au travers du montage, rien que de trouver une forme de motif et de connexion visuellement de comment est-ce que colonne vertébrale peut être la continuation d'une tige, comment est-ce que le son peut être une continuité de ces deux visuels mis ensemble. Et donc le son est une partie du film, mais en fait, le son et les visuels vont ensemble aussi. Et donc, ça devient toute une forme d'écosystème audiovisuel d'une certaine façon. On dirait un son de cœur, mais en fait, c'est un des enregistrements des plantes que j'ai trouvé assez fou. Et en fait, j'ai mis cet enregistrement dans un synthé. Je me suis dit, oula, on dirait un battement de cœur, mais hyper rapide. Et c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais en fait, non, ça, c'est un désenregistrement des plantes. C'est à la fois d'une façon assez triste de se rendre compte de toute la sensibilité et de l'intelligence de ce monde végétal qu'on est en train de perdre d'une certaine façon. Enfin, j'étais sur le site de l'IUCN, il y a 39% des espèces des plantes dans le monde qui sont en danger d'extinction aujourd'hui. Donc il y a tout à fait une forme de deuil là-dedans et de difficulté, voire d'éco-anxiété. Mais pour moi, s'intéresser à ce monde qui est encore bourré de mystères et de surprises et d'intelligence, c'est aussi une forme d'espoir de ce qu'on a à apprendre de tout ce monde végétal-là. C'est un projet qui a été fait pendant le Covid, mais malgré ça, j'ai réussi à pouvoir parler avec certaines personnes ou voir le film en salle. Et je crois qu'une des choses qui m'a le plus percutée à chaque fois, c'est l'étonnement des gens. Par moment, il y a des plans. Donc là, on voit le visage qui est contre la vitre pour la première fois. J'ai, dans l'audience, entendu des petits gens, surpris de se rendre compte qu'en fait, c'est un corps humain aussi. Et donc, je crois qu'il y a autant de l'étonnement au niveau du son quand, à la fin, quand on voit dans les crédits que l'enregistrement a été fait de cette façon, que pendant le film où en fait, il y a une remise en question non seulement vis-à-vis des plantes, mais aussi vis-à-vis du corps humain et du parallèle qui est fait. Où on a l'impression, par exemple, donc il y a un moment où on voit des cheveux et un cactus, en fait, de se rendre compte vers la fin que c'est un cactus. Et même moi, au moment du tournage, j'ai regardé ce cactus que j'ai trouvé mais juste incroyable, et je regarde et je me dis, mais c'est des cheveux humains, c'est pas possible. Enfin, on peut en faire une perruque, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment, en termes de texture et d'esthétique, enfin, c'est tellement similaire. Enfin, on vient de ce monde, quoi. Et c'est... On a fait tellement de catégorisation dans le monde d'aujourd'hui. Et oui, ça nous aide à avoir un langage, à pouvoir définir les choses et tout. Mais parfois, ces catégorisations deviennent un petit peu trop dures et précises. Et je pense que c'est important de se rappeler qu'en fait, on fait partie d'un tout. Et tout est interconnecté et qu'on est codépendants les uns des autres, autant au niveau humain, mais plus qu'humain. Merci Élise, Guillaume, pour avoir partagé les réflexions qui accompagnent ton travail audiovisuel. J'aime beaucoup la façon dont tu considères ces plantes comme des collaboratrices afin de créer la bande-son de ton film. L'écoute de ces fréquences presque musicales pourrait être perçue comme anthropocentrée, mais c'est bien dans la démarche de donner voix aux non-humains que l'on arrive à changer notre perception des relations si étroites entre les êtres. Je vous invite à découvrir la bande-annonce du film d'Élise, Hybrid Terrains, sur son site internet, dont le lien sera mis prochainement sur le site du festival. Et quant à moi, je vous dis à demain. Merci Mélia. Salut. Oh la plage. Yeah, oh la plage. Ok, la plage.